les blés. Une aujourd'hui, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une ombrelle. Tous les soirs, tu t'entraînes un peu trop gros. Je sais bien que tu l'adores. Bambino, bambino. Je te lave de jolie. Bambino, bambino. Tu es trop jeune encore. Bambino, bambino. Et grave, grave, sur ta mandoline, mon petit bambino. Comme si tu étais jolie, comme le ciel de l'hydralie. Et chante, chante de ta voix, Saline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas de sérieux. Avec tes cheveux si beaux, bambino, bambino. Tu as l'air d'un chérubin, bambino, bambino. Quand tu poses le rebalon, bambino, bambino. Bambino, bambino, bambino, bambino. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Je suis branché sur le trottoir dans la caisse. Tu peux pencher sur ton oreille ta gazelle. Je n'ai pas ça. Qui dans ton cœur te vieillira. L'amour et la jalousie. Bambino, bambino. Avec un enfant. Bambino, bambino. Tu vas toute la vie. Bambino, bambino. Et tu es comme les grands. Et gratte, gratte, ta mandoline, mon petit bambino. Comme tu t'es toujours dit, c'est le ciel de l'Italie. Et chante, chante de ta voix, ta vie de mon petit bambino. Tu peux chanter quand tu veux. Elle ne se prend pas de ses yeux. Si tu as trop de courant, bambino, bambino Elle me regarde quand tu vois. Bambino, bambino. Elle dit à ta maman, bambino, bambino. Maman, c'est comme ça. Et la voici dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin. Must go home. Stéphane. la tête. Elle joue avec le vent, elle couvre fête en fête, rit de ses prétendants et n'en fait qu'à sa tête. Quand ils se sont croisés, hasard ou destiné, le monde a chaviré, le temps s'est arrêté. Et ils se sont aimés. Amour impossible, amour défendu. Des amants que plus rien n'arrête. Enfant innocent pris dans la tempête, des larmes et du sang, c'est vraiment trop vrai. Ils n'ont pas supporté de vivre séparés, ils se sont échappés vers l'éternité. L'amour les a tués. Des batailles beaucoup. attendait là sans rien dire. Elle savait tout de mes conquêtes. Dans ses yeux, je pouvais tout lire. Et dès que je poussais la porte, elle m'accueillait comme si j'étais Dieu. Elle a toujours fait pour qu'en sorte, dans ma vie de con. Elle peut bien me quitter, elle peut bien me laisser, je l'aimerai toujours. qu'il y a des mots qui t'ont fait pleurer mon ange et d'autres qui t'ont révolté. Il y a des idées Le livre que j'ai lu, je n'en sais point l'auteur. Le livre que j'ai lu n'est pas chez le libraire. Je n'en sais point le titre, et puis mauvais lecteur. Et si vous le trouvez, il faut parfois se taire. À la première page, un chemin dans le bois. À la deuxième page, une source est cachée. À la troisième page, est un indien qui boit. La quatrième page, elle est encore cachée. À la cinquième page, un canot sur la mer. À la sixième page, on l'attend à la côte. Au bas de la septième, on dit que la mer perd. À la page d'après, la mer est aussi haute. Page 20, page 30, un vol de corbijou traverse tout le livre et ça va dans les plaines pour manger du blé qui pousse n'importe où. Je n'en ai pas mangé depuis 500 semaines. À la centième page, il pleut sur les longs points. À la suivante, un homme en marche dans la neige. Pour changer de saison, il marche un peu plus loin. Mais la trace du jour est perdue et le piège ne perd pas trop de les fleurs n'ont pas fini de vivre. Page 1000 et 100 000, on est dans du bois vert. Au matin de mon compte, à son premier chapitre, je m'en vais te laisser avec le livre ouvert, le cœur et l'œil au large. Le front sur ta vitre. Ne ferme pas trop tôt le livre. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? There's a love too deep to show. Je t'aime, comprends, je sais. anodin. C'est un enfant qui court au milieu d'un jardin. C'est le chant d'un oiseau quand on ouvre sa cage. C'est se coucher dans l'herbe et compter les nuages. C'est d'aller comme le vent sans penser à demain. Comme si nous étions libres, immortels et sans fin. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est rester dans son lit lorsqu'il neige le matin. Se couler un bain chaud et oublier les heures. Se faire masser le dos puis s'envoyer en l'air. C'est de prendre un peu de temps pour soi-même, pour son bien. Et de vivre chaque instant comme un nouveau destin. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est l'appel d'un ami lorsqu'on a du chagrin. C'est d'avoir le fou rire sans en savoir la cause. C'est sortir faire la fête quand le cœur nous explose. C'est d'avoir des vieux frères, des complices, des témoins, pour tous ces souvenirs qu'on n'oubliera jamais. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est d'entendre ta voix, c'est de prendre ta main. C'est de voir dans tes yeux tous ces milliers de roses. C'est dormir près de toi quand tout devient morose. C'est partager sa vie comme on partage un train. Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du chemin. J'avais dessiné